Seigneur, je connais mieux que vous ne faites les conditions de ce pays, car j'y ai déjà été. Vous avez entrepris la plus grande et la plus périlleuse affaire qui jamais fut entreprise. Aussi conviendrait-il que l'on procédât sagement. Sachez, si nous gagnons la terre ferme, que cette terre est grande et vaste, et nos gens, pauvres et démunis de vivres. Ils se répandront donc à travers la contrée pour chercher des vivres. Il y a une très grande quantité de gens dans le pays. Ainsi, nous ne pourrions faire si bonne garde que nous nous perdions des nôtres. Et il ne s'agit pas que nous en perdions, car nous avons fort peu de gens pour ce que nous voulons faire. Il y a des îles tout près, que vous pouvez voir d'ici, habitées par des populations et productrices de blé, de vivres et d'autres biens. Allons y mouiller et amassons les blés et les vivres du pays. Puis, quand nous aurons amassé les vivres, allons devant la ville et faisons ce que notre Seigneur aura décidé. Car plus sûrement guet roi tel qui a des vivres que tel qui n'en a point. À cet avis se rallièrent les comtes et les barons, et tous en retournèrent, chacun à sa nef et à son vaisseau. Ils reposèrent ainsi cette nuit, et, au matin, le jour de la fête de Monseigneur Saint-Jean-Baptiste, en juin, furent hissés les bannières et les gonfanons sur les châteaux des nefs, et les housses des écus ôtées, et le bord des nefs garni. Chacun était attentif à ses armes, comme il devait les avoir, car il savait bien que d'ici peu, ils en auraient besoin.